me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le concept de vérité ne peut être réduit dans les termes d'une approche soit déflationniste, soit minimaliste? Après l'interrogation sur la déflation du vrai, que pourrait être la vérité, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Nous voici ce matin dans la dernière partie de l'exploration de ce que n'est pas la vérité et Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, nous entraîne cette année dans une grande enquête sur les relations que tissent ou pas les trois concepts complexes connaissance, vérité et démocratie. Tous trois ainsi réunis, c'est aussi le titre de la série de cours sur 2 heures, donc en 2 parties, qu'elle a proposée en 2017. Claudine Tiercelin présente ainsi la transition vers une nouvelle étape de son enquête, et je la cite, « avant de passer à la pars construens de l'exposé et de nous employer donc à déterminer non plus ce que n'est pas la vérité, mais ce qu'à tout le moins elle pourrait être et pourquoi, à partir de là, non seulement elle a toute sa place en démocratie, mais aussi, et plus encore, que la démocratie a d'autant plus de force qu'elle laisse à la vérité comme à la justice et à la raison tout leur rôle. Il nous faut donc, au préalable, présenter et évaluer les réactions qu'ont souvent engendrées chez les philosophes et en particulier chez les théoriciens contemporains de la vérité, les difficultés que nous avons pu rencontrer autour du concept de vérité. Ainsi aujourd'hui, nous allons retrouver Gottlob Frege et nous allons interroger l'équivalence, mais aussi la conception sémantique. Nous allons découvrir les travaux d'Alfred Tarski, la décitation et la redondance où nous retrouverons Frank Ramsey, vaste programme. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 15 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie, aujourd'hui Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité, suite et fin. Vous vous souvenez de ces recommandations de John Rawls dans son ouvrage « Libéralisme et politique ». Je cite « L'avantage de se limiter au raisonnable, c'est qu'il ne peut y avoir une seule doctrine compréhensive vraie, alors qu'il y en a de nombreuses qui sont raisonnables. Une fois que nous acceptons que le pluralisme raisonnable est une condition permanente de la culture publique, produite par des institutions libres, l'idée du raisonnable est mieux adaptée que l'idée de vérité morale pour former la base de justification publique d'un régime constitutionnel. Le fait de soutenir qu'une conception politique est vraie et que pour cette unique raison, elle est la seule base qui convienne pour la raison publique est une attitude étroite et même sectaire qui risque de créer des divisions politique. Fin de citation. Évitons la vérité et limitons-nous au raisonnable, nous dit donc John Rawls, page 167, pour la référence dans la traduction française. Introduire la vérité en politique nous mènerait tout droit à l'étroitesse et au sectarisme. Nous avons déjà vu que tel était aussi, vous en souvenez, le verdict de Hans Kelsen à la fin de son livre « La démocratie, sa nature, sa valeur ». Continuons donc à nous efforcer de montrer pourquoi l'un comme l'autre ont tort. Pour ce faire, il nous faut poursuivre l'examen de ce qui est vraiment en jeu dans le concept même de vérité, dès lors que nous commençons à mettre au jour certaines confusions qui fréquemment l'entourent. Voilà qui nous a déjà conduit à relever une première confusion, celle si courante que nous faisons entre ce qui est vrai et ce que nous tenons pour vrai ou croyons être vrai. Nous avons vu que c'est précisément cette confusion qui est à l'œuvre dans la position que défend Kelsen lorsqu'il évoque l'absolutisme ou le fanatisme de la vérité. Car ce n'est pas la vérité en tant que telle, bien sûr, qui est absolutiste. Ce qui est problématique, c'est l'attitude que l'on croit nécessaire d'adopter à son propos en s'imaginant qu'elle va de pair avec une position d'autorité, dogmatique, absolutiste et fanatique. C'est encore la réduction du vrai à la certitude absolue que l'on croit pouvoir entretenir à son sujet. Or, non seulement la vérité ne va pas de pair avec l'absolutisme et le fanatisme, position dont nous avons commencé à voir qu'elle est même en parfaite contradiction avec ce que l'on vise lorsque l'on vise la vérité et qu'on la tient pour une valeur suprême en démocratie, mais elle s'accompagne toujours plutôt, à en juger par les vigoureuses exhortations d'un Russell, d'une bonne dose de scepticisme. Pour les mêmes raisons exactement que Kelsen, mais en tirant la conclusion exactement inverse, Russell estime en effet, pour sa part, que, je cite, « la connexion entre science et démocratie est plus étroite qu'on ne le pense parfois, parce qu'il y a pour elles deux, je cite, l'insistance sur la discussion libre par opposition à l'autorité. Et que s'il y a un lien entre elles, c'est parce que, je cite encore, le tempérament qui est requis pour faire de la démocratie un succès est dans la vie pratique exactement ce que le tempérament scientifique est dans la vie intellectuelle. C'est, dit Russell, une demeure qui se situe à mi-chemin entre scepticisme et dogmatisme. La vérité ne peut pas être complètement atteinte et elle n'est pas non plus complètement impossible à atteindre. Elle peut être atteinte seulement à un certain degré et cela uniquement avec difficulté. Fin de citation. Et c'est du reste ce qui, aux yeux de Russell, fait la différence entre la croyance dans la science et la croyance dans la religion, ainsi qu'il l'écrit dans une conférence de 1921, « The Essence and Effect of Religion ». Je le cite, « la croyance dans la science est différente de la croyance dans la religion. Les croyances dans la science ne sont pas des croyances auxquelles on adhère dogmatiquement. Les objets de la croyance, aussi bien que les attitudes sous-jacentes, sont tout à fait différents. Nous pouvons avoir soit une attitude scientifique, soit une attitude religieuse à l'égard du même objet. Par exemple, le socialisme de Marx peut être ou ne pas être vrai scientifiquement. Cependant, quand les gens croient en lui dogmatiquement, il devient une croyance religieuse. Dans le domaine de la science, comme en physique par exemple, la loi de la gravitation découverte par Newton a été présumée vraie jusque dans les années récentes. Nous pouvons croire en elle, ou bien avec une ferveur religieuse, ou bien avec une attitude scientifique. Si nous y croyons avec une attitude religieuse, en pensant que même les chiffres après la 10e place décimale ne peuvent pas être changés, alors il faudrait tuer Einstein, puisque sa nouvelle théorie de la gravitation est fondamentalement différente de celle de Newton. Newton lui-même était un scientifique, et bien qu'il ait formulé une théorie importante qui n'a pas été contestée pendant 3 siècles, il a adopté lui-même une attitude scientifique en croyant que, aussi exacte que puisse être sa théorie, elle pourrait, à l'avenir, être corrigée. Bien des scientifiques adoptent une attitude scientifique. Fin de citation. Adopter une attitude scientifique, celle-là même qui fait dire à Russell, en vantant John Locke, que, je le cite, « la seule philosophie qui fournisse une justification philosophique de la démocratie et qui s'accorde avec la démocratie dans son tempérament intellectuel est l'empirisme », n'a donc, on le voit, rien à voir avec la certitude absolue et dogmatique, le culte de l'infaillibilité. Au contraire, ce sont les doutes et l'incertitude qui sont les compagnons naturels de celui qui est lancé à la poursuite de la vérité, d'où ce lien étroit entre la tournure d'esprit rationaliste ou scientifique, nécessairement sensible à l'expérience comme aux raisons et aux arguments, d'une part, et la démocratie, d'autre part. C'est cette conscience de la possibilité toujours en droit de l'erreur, y compris dans les choses dont on est le plus sûr, de la quasi-impossibilité d'aller au-delà de l'approximation ou d'une certaine dose, à tout le moins, d'indétermination, qui signe l'attitude scientifique, là où la possibilité de l'erreur n'a pas sa place et est à peu près impossible à envisager dans des domaines comme la théologie. Je cite encore Russell, « dans des questions où la vérité ne peut pas être établie, personne n'admet qu'il y ait la moindre possibilité, ne serait-ce que de l'erreur la plus minime dans ses opinions. Qui a jamais entendu parler d'un théologien faisant précéder son credo ou d'un politicien concluant ses discours par une déclaration concernant l'erreur probable dans ses opinions? C'est un fait étrange que la certitude subjective soit inversement proportionnelle à la certitude objective. Moins un homme a de raisons de supposer que lui-même est dans le vrai, plus il l'asserte avec véhémence qu'il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il est exactement dans le vrai. C'est une démarche habituelle des théologiens que de se moquer de la science parce qu'elle change. Regardez-nous, disent-ils, ce que nous avons affirmé au Concile de Nicée, nous l'affirmons toujours. Alors que ce que les scientifiques ont affirmé seulement il y a 2 ou 3 ans est déjà oublié et dépassé. Fin de citation. À l'inverse, celui qui se lance dans la recherche de la vérité, conscient qu'aucune de nos croyances n'est dire seule tout à fait vraie, a une attitude expérimentale et remplie de doutes, et doit pour cette raison même accueillir la confrontation, l'intervention de la raison et de l'argumentation rationnelle. Comprendre, donc, qu'il doit être guidé en permanence, non par la volonté de croire, mais uniquement par le désir de trouver, qui en est, comme le dit Russell, l'exact opposé. Dans la pars destruens de notre enquête, visant donc en un premier temps à tirer au clair ce que n'est sans doute pas la vérité, je me suis attachée à montrer que le concept de vérité ne se réduit pas facilement à certains concepts dans lesquels on tend parfois à l'enfermer. Avant de passer à la pars construens de mon exposé, et donc de m'employer à déterminer non plus ce que n'est pas la vérité, mais ce qu'à tout le moins, à mon sens, elle pourrait être, et pourquoi, à partir de là, non seulement elle a toute sa place en démocratie, mais aussi et plus encore que la démocratie a d'autant plus de force qu'elle laisse à la vérité comme à la justice et à la raison tout leur rôle. Il me faut donc au préalable présenter et évaluer les réactions qu'ont souvent engendrées chez les philosophes et en particulier chez les théoriciens contemporains de la vérité les difficultés que nous avons pu rencontrer autour du concept de vérité. Dans tous les cas, lorsque du moins on a continué à prendre au sérieux le concept, la tentation générale a été de procéder, nous allons le voir, à une déflation donc du concept. Mais cette opération a pris différentes formes qui ne sont pas toutes dénuées d'intérêt, moins en elles-mêmes que parce qu'elles nous apportent des renseignements que je crois fort utiles au fond sur ce que nous visons au juste lorsque nous visons la vérité. En voici donc pour les besoins de notre exposé quelques grands traits. En nous appuyant sur Frege, nous avons pu montrer la dernière fois que lorsque nous cherchons à donner une définition du concept de vérité, en ayant tendance à le faire à partir d'une supposée conception profonde, informative ou substantielle, telle que la correspondance, la cohérence, l'utilité ou la vérification, eh bien nous retombons toujours, au fond, sur une sorte d'équivalence triviale. P, entre guillemets, est vrai, ne revient pas à autre chose qu'à, entre guillemets, P correspond au fait. Et lorsque nous essayons d'expliciter la signification de cette dernière expression, nous n'allons guère au-delà de la tautologie, certes non dénuée de signification à proprement parler, mais à tout le moins peu profonde, P, entre guillemets, est vrai. C'est le sens de cette équivalence, E, il est vrai que P, si et seulement si P. Ainsi, comme le dit Frege, si j'asserte, entre guillemets, il est vrai que l'eau de mer est salée, fermez les guillemets, j'asserte la même chose que si j'asserte, entre guillemets, l'eau de mer est salée. Et Frege d'ajouter, cela ne peut nous conduire à penser que le mot « vrai » n'a pas de sens. Bon, si c'était le cas, une phrase dans laquelle « est vrai » a une occurrence comme prédicat n'aurait pas de sens non plus. Tout ce que l'on peut dire est que le mot « vrai » a un sens qui ne contribue en rien au sens de la phrase entière dans laquelle elle figure comme prédicat. Fin de citation, c'est dans les écrits posthumes. Vrai n'a donc rien d'une propriété profonde, c'est plutôt, vous voyez, conclut Frege, une fonction logique ou linguistique sur laquelle il n'y a rien à proprement parler à dire, mais qui nous permet, nonobstant, d'asserter la phrase. Ce qui conduit à adopter peu ou prou une position que l'on qualifiera donc, selon l'usage, de déflationniste. Très rapidement, et sans exposer donc dans le détail des discussions qui continuent de faire rage parmi les théoriciens de la vérité, disons très succinctement en quoi consistent les principales approches dites déflationnistes. Les discussions entourant la signification du concept de vérité ont, dit-on, pour origine classique la position défendue par Alfred Tarski, qui soutient ce qu'on appelle une conception décitationnelle, mais aussi sémantique de la vérité. À grands traits, cette conception suit le schéma décitationnel suivant, ou encore convention T, T pour truth. Donc T, P entre guillemets est vrai, si et seulement si P. La théorie décitationnelle de la vérité consiste à dire, bien que Tarski reste pour sa part neutre sur ce qui est dit, qu'il n'y a rien de plus, n'est-ce pas, dans le concept de vérité que ce que contiennent le schéma décitationnel et la convention T. C'est en ce sens donc, vous le voyez, une forme de déflationnisme. Dans son texte intitulé « Le concept de vérité dans les langues formalisées », Tarski s'attaque à la définition de la vérité et veut donner une légitimité aux notions sémantiques comme celle de dénotation ou de signification. Nous nous soucions surtout dans ce cours de ceux qui, s'agissant de politique et de démocratie, préfèrent ne pas avoir recours au concept de vérité et lui préfèrent ceux de rationnel ou de raisonnable. Mais il ne faut pas oublier que le concept de vérité n'a pas eu seulement mauvaise presse en politique. Comme le rappelle le philosophe Hartree Field dans son analyse intitulée « La théorie de la vérité » de Tarski, que vous trouverez dans un excellent recueil dirigé par Denis Bonnet et Michael Kozik, « Philosophie de la logique, conséquences, preuves et vérités », donc paru chez Vrin en 2009. Au début des années 1930, l'idée que les notions sémantiques telles que celles de vérité ou de dénotation étaient illégitimes se trouvait très répandue parmi les philosophes à l'esprit scientifique. Ces notions ne pouvaient ni ne devaient être incorporées à une conception scientifique du monde. Mais, poursuit Field, quand le travail de Tarski sur la vérité fut connu, tout cela changea. Karl Popper écrivit alors « Le résultat de l'enseignement de Tarski, c'est que dorénavant, je n'hésite plus à parler de vérité ou de fausseté. » C'est dans la logique de la découverte scientifique. Et la réaction de Popper était largement partagée. Tarski lui-même semblait penser que ces définitions permettraient de circonscrire l'emploi du mot « vrai » à des langues scientifiquement bien formées, en restant neutres quant à l'impact philosophique ou métaphysique de la notion de vérité. Et de fait, nombre de positivistes logiques saluèrent ces analyses comme permettant une telle évacuation des problèmes métaphysiques. En fait, Tarski est parvenu à réduire la vérité à certaines autres notions sémantiques, mais il n'a en aucune façon réduit ces autres notions. De sorte que les résultats de Tarski ne devraient rendre acceptable le mot « vrai » qu'aux yeux de ceux qui acceptaient déjà ces autres notions sémantiques. Et c'est selon Field la raison pour laquelle les résultats de Tarski sur la vérité sont loin d'être triviaux. Ils sont au contraire extrêmement importants et ont des applications non seulement en mathématiques, mais aussi en linguistique et à des problèmes plus directement philosophiques concernant le réalisme et l'objectivité. Bien, quoi qu'on puisse penser de cette appréciation, il est exact que dans un texte classique de 1944, La conception sémantique de la vérité et les fondements de la sémantique, Tarski affirme clairement que pour répondre à l'objectif qui est le sien, à savoir donner une définition satisfaisante de la vérité, nous voudrions, précise-t-il, je le cite, que notre définition rendît justice aux intuitions qui sont celles de la conception aristotélicienne de la vérité, intuitions qui trouvent leur expression dans cette phrase bien connue de la métaphysique Gamma 7, 27, « Dire de ce qui est qu'il n'est pas, ou de ce qui n'est pas qu'il est faux, tandis que dire de ce qui est qu'il est et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas est vrai. » Si nous désirons nous conformer, poursuit Tarski, à la terminologie de la philosophie moderne, alors nous pourrions peut-être exprimer cette conception au moyen de la formule bien connue « La vérité d'un énoncé consiste en son accord ou, dit-il explicitement, sa correspondance avec la réalité. » On a suggéré, pour la théorie basée sur cette dernière formule, le nom de « théorie de la correspondance ». Si, d'autre part, nous nous décidions à étendre l'usage courant du terme « désigné » pour l'utiliser non seulement à propos des noms, mais encore des énoncés, et si nous nous contentions de parler des états de choses en tant que désignata d'énoncé, nous pourrions peut-être employer dans le même but la phrase suivante « Un énoncé est vrai s'il désigne un état de choses existant ». Cependant, conclut Tarski, ces formulations peuvent conduire à divers malentendus, car aucune n'est suffisamment précise et claire, quoique cette remarque s'applique moins à la formule aristotélicienne qu'à tout autre. En tout cas, aucune ne peut être considérée comme une définition satisfaisante de la vérité. Il nous incombe donc de chercher une expression plus précise de nos intuitions. Dans le même texte, après avoir indiqué que le problème principal est celui donc d'une définition satisfaisante de la vérité, Tarski va formuler deux réquisites auxquelles doit satisfaire pareille définition. Elle doit être, dit-il, formellement correcte et matériellement adéquate. Il n'est pas très loquace sur le premier requisite, comme l'observe Michael Kozit qui commente ce texte. Il est beaucoup plus sur le deuxième. Pour que la définition de la vérité soit adéquate du point de vue matériel, il faut, dit Tarski, souligner que la définition souhaitée ne vise pas la détermination du sens d'un mot familier employé pour signifier une notion nouvelle. Elle voudrait au contraire saisir le sens effectif d'une vieille notion. Nous devons donc caractériser cette notion de manière suffisante pour permettre à chacun de constater si la définition remplit effectivement cette tâche. Vous voyez la vocation universaliste, n'est-ce pas, de la démarche. S'agissant de déterminer à quoi tient la correction formelle de la définition, nous devons, je cite, « préciser les mots ou les concepts que nous nous proposons d'utiliser pour définir la notion de vérité et énumérer les règles formelles auxquelles la définition devrait être conforme ». En termes plus généraux, nous devons décrire la structure formelle du langage dans lequel la définition sera énoncée. S'interrogeant alors sur l'extension du terme « vrai », Tarski observe que le prédicat « vrai » est utilisé soit par rapport à des phénomènes psychologiques, tels que jugements ou croyances, soit par rapport à quelques objets physiques, à savoir des expressions linguistiques, et plus précisément des énoncés, soit par rapport à certaines entités idéales dites « propositions ». Mais ce terme de « proposition », ajoute-t-il, est le sujet notoire de longues discussions de la part de divers philosophes et logiciens, et il semble qu'on ne l'ait jamais rendu clair et non ambigu. Il paraît donc préférable, pour plusieurs raisons, d'appliquer le terme aux énoncés, à savoir ce que la grammaire appelle habituellement un énoncé à l'indicatif. En conséquence, page 256, nous devons rapporter toujours la notion de vérité, tout comme celle d'énoncé, à un langage déterminé. Car il est évident que la même expression énoncée vraie dans un langage peut être un énoncé faux dans un autre langage. Fin de citation. Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, Vérité et Démocratie. Aujourd'hui, Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité, suite et fin. La conception sémantique de la vérité de Tarski, qui a provoqué un intérêt considérable dès sa formulation, a bien sûr des affinités avec la conception de la vérité comme décitation, avec laquelle on la confond souvent. Voici en effet comment Tarski présente le critère de l'adéquation matérielle de la définition. Commençons, dit-il, par un exemple concret. Prenons l'énoncé « la neige est blanche ». Nous nous demandons sous quelles conditions cet énoncé est vrai ou faux. Il semble clair que si nous nous basons sur la conception classique de la vérité, nous disons que l'énoncé est vrai si la neige est blanche et faux si la neige n'est pas blanche. Par conséquent, si notre définition de la vérité doit être conforme à notre conception de celle-ci, elle doit impliquer l'équivalence suivante. L'énoncé, entre guillemets, la neige est blanche, est vrai si et seulement si la neige est blanche. Qu'il me soit permis de remarquer, ajoute Tarski, que l'expression « la neige est blanche » se trouve prise à gauche du signe de l'équivalence, entre guillemets, et à droite, sans guillemets. Nous avons à droite l'énoncé même et à gauche le nom de cet énoncé. En employant la terminologie logique médiévale, nous pouvons aussi dire que l'expression « la neige est blanche » est prise à droite en supposition formelle, suppositio formalis, et à gauche en supposition matérielle, suppositio materialis. Il est à peine nécessaire d'expliquer pour quelles raisons nous devons avoir à gauche du signe de l'équivalence le nom de l'énoncé et non l'énoncé même. Car en premier lieu, du point de vue de la grammaire de notre langage, une expression ayant la forme de « x est vrai » ne deviendra pas un énoncé si nous remplaçons « x » par un énoncé ou par autre chose qu'un nom, puisque seul un substantif ou une expression remplissant la fonction d'un substantif peut être le sujet d'un énoncé. Et en second lieu, les conventions les plus fondamentales qui règlent l'usage de tout langage exigent que dans chaque expression que nous énonçons au sujet d'un objet, le nom de celui-ci soit employé et non cet objet même. Par conséquent, si nous désirons dire quelque chose au sujet d'un énoncé, qu'il est vrai par exemple, nous devons employer son nom et non lui-même. Page 259. Au demeurant, ajoute Tarski, mettre un énoncé entre guillemets n'est point l'unique moyen de former son nom. En tenant compte, par exemple, de l'ordre habituel des lettres dans notre alphabet, nous pouvons nous servir de l'expression suivante en tant que nom, donc description, de l'énoncé « la neige est blanche ». À partir de là, il devient possible, vous le voyez, de généraliser naturellement la manière de procéder ainsi indiquée. Considérons, dit Tarski, n'importe quel énoncé. Eh bien, nous le remplacerons par la lettre P. Nous formons le nom de cet énoncé et nous le remplaçons par une autre lettre, disons X. Nous nous demandons maintenant quelle est la relation logique entre les deux énoncés, X est vrai et P. Il est clair que du point de vue de notre conception de la vérité, ils sont équivalents. En d'autres termes, l'équivalence suivante est valable, T, X est vrai, si et seulement si, P. Nous appellerons chaque équivalence de ce type, avec un énoncé de notre langage, énoncé auquel on peut attribuer la qualification vrai à la place de X, une équivalence de la forme T. Bon, vous voyez qu'à partir de ce schéma décitationnel, entendu comme une condition d'adéquation matérielle pour toute définition correcte de la vérité, Tarski va insister sur le fait que cette condition doit être associée donc à un deuxième prérequis, à savoir qu'elle doit être, nous l'avons dit, formellement correcte. Or, pour l'être, si l'on veut éviter notamment les antinomies, comme celle classique et célèbre du menteur, dont il serait tout à fait mauvais et dangereux du point de vue du progrès de la science de mésestimer l'importance, comme celle d'autres antinomies du même genre, et de les traiter comme des jeux ou des sophismes, prend soin de dire Tarski, eh bien nous devons envisager, selon lui, uniquement des langages à structure spécifiée et donc formalisée. Pour les autres langages, en premier lieu, pour les langages naturels, parler, le sens de ce problème est plus ou moins vague et ses solutions ne peuvent avoir qu'un caractère approximatif. Page 264. Dans une langue formelle, elle, Tarski va alors montrer que l'on peut donner une définition non circulaire de « S est vrai si et seulement si P » pour toute phrase vraie du langage concerné, simplement en fournissant un ensemble d'axiomes pour elle et un ensemble de règles de dérivation permettant de déduire des axiomes des théorèmes de la forme T. S désigne alors une phrase de L, dit le langage objet, et il la désigne à travers sa structure en l'exhibant comme une concaténation d'expressions plus simples du langage objet. Vous aurez noté que j'ai eu recours au terme « désigné » pour caractériser la relation logique. Et c'est précisément l'un des termes auxquels Tarski fait allusion pour justifier de caractériser sa définition de la vérité de sémantique. Ainsi qu'il l'explique, je le cite, « La sémantique est une discipline qui, en termes généraux, traite de certaines relations entre les expressions d'un langage et les objets ou états de choses auxquels se réfèrent ces expressions. Nous pouvons mentionner comme exemple typique de concept sémantique les concepts de désignation, de satisfaction et de définition tels qu'ils se trouvent dans les exemples suivants. L'expression « le père de ce pays » désigne, dénote George Washington. La neige satisfait la fonction propositionnelle, la condition « X est blanche ». L'équation « 2x égale 1 » détermine uniquement le nombre 1/2. Alors que les mots « désigne », « satisfait », « défini » expriment des relations, n'est-ce pas ? Donc, entre certaines expressions et les objets auxquels elles se réfèrent, le mot « vrai » est d'une autre nature logique. Il exprime une propriété ou dénote une classe de certaines expressions, à savoir celle des énoncés. Cependant, dit Tarski, il est facile de voir que toutes les formulations qui ont été données antérieurement et qui visaient l'explication de ce terme concernaient non seulement les énoncés eux-mêmes, mais encore les objets dont ces énoncés parlaient, ou éventuellement des états de choses décrits par eux. Qui plus est, il apparaît que le moyen le plus simple et le plus naturel pour obtenir une définition exacte de la vérité est celui qui comporte l'usage d'autres expressions sémantiques, de la notion de satisfaction, par exemple. C'est la raison pour laquelle nous comptons la conception de la vérité qui est discutée ici parmi les concepts sémantiques. Et le problème de la définition de la vérité se montre étroitement lié au problème le plus général de l'établissement des fondements de la sémantique théorique. À côté du langage objet, la démonstration elle-même, ainsi que les axiomes et les théorèmes, donc, relèvent d'un langage différent, dit métalangage. Cette distinction entre langage objet et métalangage est cruciale, vous voyez, précisément parce qu'il s'agit pour Tarski, comme je l'ai dit, de parer au paradoxe sémantique comme celui du menteur. Ce n'est donc pas de l'intérieur d'un langage donné que l'on peut appliquer un prédicat sémantique comme « est vrai » aux phrases de ce langage. L'application ne pourra se faire qu'aux phrases d'un autre langage qui est un métalangage pour ce langage. Cette distinction, vous voyez, évidemment très restrictive, si elle n'exclut pas toute explication de « est vrai » dans une langue naturelle, souligne bien toutefois que la relation « est vrai si et seulement si » se trouve complètement caractérisée pour le langage concerné par la théorie axiomatique qui autorise la dérivation des théorèmes de la forme T pour toutes les phrases du langage. Point n'est besoin, en outre, d'une compréhension préalable de la notion de vérité. Au demeurant, le mot « vrai » n'intervient pas. Tout ce dont on a besoin, c'est que soit permis l'engendrement de phrases, donc les fameuses phrases T, de la forme S est T si et seulement si P, où T est un prédicat non spécifié qui joue le rôle du prédicat de vérité. Les axiomes associent alors chacun des termes primitifs du langage objet à un ensemble de choses dans le monde, par exemple Socrate entre guillemets à Socrate et sage entre guillemets à des individus sages. Ils incluent aussi des clauses qui se servent de la structure du langage objet pour permettre la dérivation de phrases T. La relation d'association est ce que Tarski appelle la satisfaction et elle se complexifie avec la structure des phrases. Donc, même si la liste des phrases du langage peut être longue, l'analyse est donc bien, vous le voyez, déflationniste, au sens où elle ne prétend pas du tout nous dire quoi que ce soit de profond, n'est-ce pas, ou que l'on puisse théoriser sur la vérité, laquelle reste relative, je le répète, à un langage. Et en dépit de certaines formules de Tarski que j'ai évoquées au début, qui peuvent donner l'impression qu'il endossait une version correspondantiste de la vérité, nous sommes tout de même loin d'une définition substantielle de la vérité en termes de correspondance ou de confrontation avec la réalité. Alors que la conception de la vérité de Tarski entend être, nous venons de le voir, une définition sémantique du prédicat « vrai », qui vaut en définitive donc uniquement pour les langues formelles, deux autres approches déflationnistes, l'approche cette fois purement décitationnelle et l'approche redondantiste dont nous avons déjà un peu parlé en évoquant Ramsay la dernière fois, s'attachent à opérer une déflation de la vérité comme propriété substantielle en portant cette fois leur examen sur les langues naturelles elles-mêmes. La différence essentielle entre la position décitationnelle et la position redondantiste tient à la lecture qui est faite de l'équivalence E que j'ai évoquée à la suite de Frege et qui fait donc du prédicat vrai, avons-nous vu, un prédicat superfétatoire ou redondant. Il y a en effet diverses versions possibles du déflationnisme selon la manière dont vous allez lire l'équivalence E, et en particulier selon que vous allez considérer que vrai est un prédicat qui s'applique à des phrases ou à ce terme sur lequel, vous l'aurez noté, Tarski est resté assez circonspect, celui de proposition. Il a dit que les philosophes ne parvenaient pas véritablement à dégager tout ce qu'ils pouvaient avoir d'ambigu. En tout cas, si vous optez pour la première situation, donc en interprétant le prédicat vrai comme s'appliquant à des phrases, n'est-ce pas, l'équivalence agit seulement alors, ainsi que c'était, nous venons de le voir, dans l'usage tarskien précisément, comme un dispositif de décitation d'une phrase de la forme, entre guillemets, « p » est vrai, permettant d'obtenir, une fois ôtées les guillemets, « p » elle-même. C'est ce qu'on appelle donc la théorie décitationnelle de « vrai » qui suit le schéma décitationnel suivant, « t », « p » entre guillemets est vrai, si et seulement si « p ». Si vous adoptez en revanche l'autre stratégie et que vous considérez que « vrai » doit s'appliquer non pas à des phrases mais à des propositions, c'est-à-dire à des contenus de phrases, en lisant « e » sous la forme de ce que l'on peut appeler le schéma d'équivalence, vous aurez l'expression suivante, la proposition que P est vraie si et seulement si P. C'est ce second schéma qui est caractéristique de la vérité redondance proprement dite. La différence est importante car nos intuitions, n'est-ce pas, semblent nous orienter plutôt, et nous aurons à nous en souvenir, vers l'idée qu'il est impossible, au fond, d'attribuer la vérité à une phrase sans savoir ce qu'elle dit. Autrement dit, vous voyez, en faisant complètement l'impasse sur son contenu, sur ce qu'elle dit, sans en connaître le sens. Savoir qu'une phrase est vraie est une chose, mais savoir quelle proposition au juste elle exprime en est une autre, et c'est ce second type de savoir qui semble nécessaire pour déterminer quelle vérité est par là affirmée. Deux objections majeures ont été adressées à la conception décitationnelle, dont la première est que l'on ne peut pas faire uniquement porter le prédicat vrai sur des phrases, car ce ne sont pas des phrases déclaratives qui sont vraies ou fausses, mais des phrases énoncé dans un certain contexte, autrement dit, désénoncé. C'est quelque chose que vous voyez notamment dans le cas de ces phrases qui comportent ce qu'on appelle des indexicaux. Si vous utilisez par exemple la phrase « j'ai faim », cette phrase n'est vraie que dans le contexte où le terme indexical « je » dénote un individu qui a faim. Et « j'ai faim » entre guillemets est vrai si et seulement si j'ai faim. Il est en revanche opaque tant que vous n'avez pas spécifié le contexte. C'est ce qui fait dire notamment à Quine, défenseur de la convention décitationnelle, qu'elle ne vaut que pour des phrases éternelles, c'est-à-dire débarrassées de toute référence au contexte. Quant à la seconde objection, elle s'appuie encore sur une thèse quinienne, cette fois celle de l'indétermination de la traduction, sur laquelle je ne peux pas, évidemment, aujourd'hui m'étendre davantage, mais dont l'un des effets, pour ce qui nous concerne, est le suivant. Si, comme le sous-tend la théorie décitationnelle, vous relativisez la vérité à un langage, et si vous voulez que le prédicat vrai ne fonctionne pas à vide, il vous faut supposer que la phrase du langage du locuteur, citée par celui qui attribue la vérité à cette phrase, fait déjà partie du langage propre à cet attributeur, ou à tout le moins qu'il ait un moyen de traduire cette phrase dans son langage. Autrement dit, qu'il la comprenne ou sache quelle proposition la phrase exprime. Voilà qui milite, semble-t-il, il y a d'autres objections qu'on pourrait avancer, en faveur de la conception redondantiste, ou incite du moins à penser que la théorie décitationnelle n'est correcte que moyennant l'emploi de la notion de proposition ou d'une notion équivalente. Bien, Frank Ramsey, nous l'avons vu, soutient pour sa part donc une variante redondantiste. Dire que P est vrai, ce n'est pas dire autre chose que P. En ce sens, vrai est un prédicat redondant qui n'ajoute rien à l'assertion d'une phrase. Mais l'objection qui vient immédiatement à l'esprit est alors celle-ci. Est-ce aussi sûr ? N'est-ce pas se tromper gravement sur le mécanisme même de l'assertion, laquelle suppose toujours, au fond, bon an mal an, un engagement, une prise de responsabilité de celui qui réalise un véritable acte de langage en décidant d'asserter telle ou telle proposition. On a beau faire, P entre guillemets est vrai, semble bien en dire plus que la simple assertion ou le simple jugement même que P. En l'occurrence, P entre guillemets est vrai dit quelque chose à propos de la proposition que P, laquelle est rendue vraie par le fait qu'elle décrit et par la même est justifiée d'une certaine façon. C'est le philosophe Paul Horwich qui a proposé en 1990, dans son livre « Truth », une autre version déflationniste qui part du schéma d'équivalence suivant. Il est vrai que P, si et seulement si P, P, la proposition que P est vraie. Autrement dit, vous voyez, selon cette nouvelle formulation, la vérité n'exprime certes aucune propriété, ni de correspondance, ni de cohérence, ni d'assertabilité garantie, mais elle reste bien un dispositif logique doté d'une valeur purement formelle ou triviale, et il n'y aurait donc qu'une différence rhétorique entre les deux énoncés. Mais est-ce vraiment le cas ? Les choses sont sans doute moins évidentes que ne veulent bien le dire les différents déflationnistes. Le fait que nous cherchons à produire des énoncés vrais fait partie du concept de vérité. Et la théorie frégéenne de la vérité et de la fausseté comme référence des phrases laisse cette caractéristique du concept, dit Michael Dummett, complètement de côté. Il est vrai que Frege a essayé de l'incorporer par la suite dans sa théorie de l'assertion, mais trop tard. Le sens d'une phrase, dit Dummett, n'est pas donné avant que nous nous engagions dans l'activité d'assertion. Sinon, les gens pourraient exprimer les mêmes pensées en ayant au contraire l'intention de les nier. Fin de citation, pages 43 et 44, donc, du chapitre 1, La vérité, dans le volume Philosophie de la logique. La difficulté ressort encore plus nettement, comme on l'a fait remarquer, lorsque l'on s'avise du fait que le prédicat « vrai » ne s'applique pas seulement à des propositions ou à des phrases isolées, mais peut aussi s'appliquer à des ensembles de propositions ou de phrases. Le déflationniste a à sa position toute une batterie de ressources techniques, comme celle qui consiste à distinguer deux sortes de quantifications, l'une sur des objets, l'autre sur des expressions, mais ces stratégies ne reviennent-elles pas simplement à présupposer la notion de vérité de manière circulaire ? Plus gravement encore, si le mot « vrai » ne dénote aucune propriété, et si il est vrai que P n'est que l'assertion de P, laquelle dépend en retour de la signification de P. Cela veut dire que la vérité de cet énoncé dépend de sa signification. Or, d'une part, la conception courante dans la philosophie contemporaine du langage dit exactement l'inverse. La signification d'un énoncé est déterminée par ses conditions de vérité. Comme le rappelle ici encore Michael Dummett, à moins de savoir comment les conditions de vérité d'un énoncé déterminent sa signification, la description de sa signification en termes d'une énonciation de ses conditions de vérité n'a aucune valeur. Fin de citation. D'autre part, si vous suivez la thèse quinienne de l'indétermination, qui veut que la notion de signification soit foncièrement indéterminée et qu'il n'y ait pas de fait de signification, dès lors qu'on ferait dépendre la vérité de la signification, cela impliquerait que nous n'avons aucun moyen de déterminer quelle sorte de fait peut énoncer une assertion. La conception déflationniste est évidemment dirigée contre toute forme de conception réaliste de la vérité, mais elle semble aussi conduire, si elle s'allie à un scepticisme quant à la notion même de contenu et de signification, comme on a pu le dire, à une forme extrême d'irréalisme ou de nihilisme. Non seulement il n'y a pas de vérité avec un grand V qui soit commune à des ensembles d'assertions, mais s'il n'existe pas même de contenu que ces vérités pourraient exprimer, il n'y a même pas de vérité particulière. Voilà qui ne nous permet guère de répondre à la question contenue dans l'interrogation de Pilate, au fond, à quoi la notion de vérité pourrait-elle bien servir ? Mais si la notion de vérité n'est plus pertinente, comment de même analysera-t-on celle de signification ? Et plus particulièrement encore, comment analysera-t-on la signification des énoncés mathématiques, scientifiques, éthiques ? Vous voyez que ce sont en tout cas tout un ensemble de questions classiques relatives à la connaissance, aux théories scientifiques, à l'objectivité en morale, qui deviendraient caduques si l'on devait se passer de la notion de vérité. Sans doute cela n'implique-t-il pas automatiquement que nous n'ayons d'autre choix que le relativisme, entendu au sens où une même phrase peut être vraie pour quelqu'un sous un point de vue et fausse pour quelqu'un d'autre sous un autre point de vue, mais cela entraîne à tout le moins un pluralisme radical en vertu duquel la vérité ne peut être unique d'un domaine à l'autre. Ainsi, en parlant de nombres, on ne parlerait pas de la même chose qu'en parlant de valeurs morales ou de propriétés esthétiques. Les vérités mathématiques, morales, esthétiques ne seraient donc pas vraies au même sens. Il y aurait des vérités, mais pas la vérité. Or, ce pluralisme des vérités, j'y reviendrai, est-il satisfaisant ? Sans doute, le déflationnisme ne va-t-il pas aussi loin, puisqu'il admet qu'il y a un sens minimal du mot « vrai », lequel est contenu dans l'équivalence de la vérité et de l'assertion, mais il s'en approche tout de même dangereusement. Voici donc en tout cas de quoi semer le trouble dans les esprits s'agissant des conceptions déflationnistes, qu'elles soient sémantiques, décitationnelles ou redondantistes, de la vérité. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 15 mars 2017, Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, Pars Destruens, ce que n'est pas la vérité, suite et fin. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. La philosophe a notamment publié « Le ciment des choses », petit traité de métaphysique scientifique réaliste aux éditions Ithac en 2011, et je rappelle son ouvrage « Le doute en question », publié pour la première fois en 2005 et reparu en 2016 dans une édition augmentée. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin sur la notion décriée de vérité et on verra quel concept on peut construire. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.